Vous écoutez France Culture. Salon noir. L'égyptologie serait-elle une discipline se suffisant à elle-même, hors champ de l'archéologie ? C'est probable, tant le poids de l'épigraphie du texte du hiéroglyphe est puissant. Pour devenir égyptologue, il vous faudra donc au préalable passer sous les arcanes de la papyrologie. Chose faite, il vous faudra alors revenir à la réalité du terrain et entreprendre des fouilles, car un archéologue n'est autre qu'un trouveur, un découvreur. Petits et grands, nous en avons tous rêvé. Il l'a fait exhumer des momies et avec elles le passé lointain et glorieux de l'Égypte ancienne. Alain Zivi, bonjour. Bonjour. Égyptologue, directeur de recherche au CNRS, vous êtes le chef de la mission archéologique française du Boubastéion à Saqqara. Aujourd'hui, l'auteur de deux gros volumes intitulés « Les tombes de Maya et de Toutmès » paru chez Caracara Éditions. Alain Zivi, nous voici au sud du Caire, à Saqqara. Qu'est-ce donc ce site ? Saqqara, c'est le centre de l'Égypte parce que c'est la nécropole, mais c'était une ville en fait, une ville de Memphis. Memphis, le centre de l'Égypte, la capitale tout au long de son histoire, plus de 3000 ans d'histoire, de bâtiments, d'enterrements, d'inhumations. C'est un site absolument majeur. C'est une grande ville, et notamment au Nouvel Empire, le Nouvel Empire dont nous allons parler. Au Nouvel Empire, absolument, Memphis, et donc sa nécropole et tout ce qui vivait aussi dans cette nécropole, parce que ce n'était pas du tout un endroit mort seulement. Memphis est en effet aussi la capitale de l'Égypte, comme Thèbes, comme Pi-Ramsès. Par ailleurs, la notion de capitale est d'ailleurs assez discutable, ou en tout cas, elle n'est pas la même que celle qu'on a de nos jours. Et c'est vraiment un endroit central, mais qui a été un peu oublié parce que les pyramides, l'Ancien Empire, ont fait de l'ombre, d'une manière compréhensible, à cet aspect de l'histoire de Memphis. Alors c'est un site où ont défilé tous les grands noms de l'égyptologie, bien sûr Mariette en tête, et cela durant plus de 150 ans. Oui, absolument. Mariette qui a fondé en quelque sorte l'archéologie égyptienne avec cette découverte majeure du Sérapéum, et beaucoup de gens sont passés par là, même par exemple, on le sait peu, Howard Carter, et d'ailleurs sa vie a basculé à cause d'un incident qui s'était passé à Saqqara. Il était inspecteur du service des antiquités. Oui, c'est un endroit de formation, et pour d'autres comme moi et d'autres aussi, bien sûr, c'est un endroit en fait où on ne bouge plus. – Il y a beaucoup de missions, bien sûr une mission française, il y a d'autres missions étrangères ?– Il y a, on peut dire, trois missions françaises, même quatre. Il y a des missions étrangères, souvent courtes, disons des missions très installées, comme les missions françaises, la mission anglaise, mais il y en a d'autres. Disons, tout le monde passe par Saqqara, mais traditionnellement, c'est quand même plutôt le site, à la suite de Mariette d'ailleurs, le site du service des antiquités. Maintenant, c'est le ministère d'État des antiquités, donc auquel s'associent des missions étrangères. Et aujourd'hui, tout ça est arrêté ? Non, ça n'est pas arrêté. C'est compliqué. Ce n'est sans doute pas l'endroit le plus compliqué, dans la mesure où on est quand même près du Caire, où c'est, disons, les gens ont fait. Il y a eu par exemple des pillages, bien sûr. Mais surtout dans les périphéries de Saqqara, enfin des zones très très importantes, c'est terrible. Mais le site est relativement protégé, justement peut-être par son côté très central. Mais en fait, c'est précaire. Le Boubastéion, c'est une grande falaise de calcaire, dédiée bien sûr à une grande déesse, Bastet. Oui, grande déesse, oui, grande falaise, c'est un escarpement qui a un affleurement de rochers, de calcaire et gypse marneux, enfin pas gypse, de marne, pas très élevé, mais tout de même relativement impressionnant parce qu'il est au bord du désert. Et Bastet, c'est la grande déesse très importante qui a été tour à tour et presque en même temps lionne et chatte, mais surtout d'abord lionne et ensuite chatte, femme à tête de lionne, femme à tête de chatte, à la fois déesse redoutable et protectrice. Alors justement, ce que l'on découvre au Bastillon, tout d'abord, eh bien, ce que l'on exhume, ce sont des chats, des milliers, voire des millions de momies de chats. Des milliers, il y en a eu, des milliers, ça, peut-être même des dizaines de milliers, en tout cas, disons, de chats qui n'étaient pas toujours momifiés, qui étaient déposés tels quels, oui, des milliers. C'est très difficile de faire des estimations. C'est quand même, les chats sont très prolifiques, se reproduisent vite et beaucoup, et en plus, ça s'est étalé sur des siècles et des siècles. Oui, les chats masquent un peu ou ont masqué en partie le Nouvel Empire, bien sûr. Et pourquoi ces chats ? Donc, bien sûr, pour honorer une déesse, mais... Quelle est exactement leur fonction ? Le culte des grands dieux et des grandes déesses, dont Bastet, mais pas seulement, aux époques relativement tardives, se développe à travers leurs formes animales. Et l'animal va jouer le rôle d'un ex voto ou une manière de demander quelque chose ou de remercier, demander au dieu ou à la déesse de remercier. Donc des élevages, en quelque sorte, d'animaux dits sacrés se trouvent près des temples, des sanctuaires qui sont d'ailleurs sur le site. Il y avait un temple de Bastet et tout ça se développe et devient quelque chose de presque pré-industriel sur le plan quantitatif. Alors vous me dites époque tardive, c'est quoi une époque tardive pour un égyptologue ? Ça est très relatif, bien sûr. Pour Jean-Philippe Loher, le fameux architecte égyptologue de Saqqara, qu'on a tous connu, enfin qui était devenu une légende vivante, tardive, c'était après l'Ancien Empire. Il était très intéressé par tout ce qu'on faisait là et ce qu'on découvrait, mais enfin, on sentait bien que pour lui, c'était Nouvel Empire, Akhenaton, Nefertiti, tout ça, c'était un peu tardif. Alors, non, tardif officiellement, ça commence avec la 26e dynastie, on peut dire, au premier millénaire, au milieu, un peu après le milieu du premier millénaire avant notre ère. Et après, alors tardif, ça inclut ou non, normalement, ça ne devrait pas inclure parce que c'est une autre période, la période grecque ou ptolémaïque, puis la période romaine. Mais enfin, ça représente quand même près de 1000 ans ou 800 ans, enfin, ça dépend comment on compte. Et que recouvrent au niveau du symbole ces chats ? Donc ces chats sont, je pense, les témoignages de piété de milliers et de milliers, et là c'est le cas de dire dizaines de milliers d'Égyptiens de toute génération, qui avaient quelque chose à demander, souvent autour des questions familiales, d'amour, aussi de protection à la déesse Bastet, la remercier, mais ailleurs, les scribes plus particulièrement, ou d'autres s'adressaient plutôt au dieu Thoth avec ses ibis, on a des faucons, on a un zoo momifié à Saqqara, c'est absolument extraordinaire. C'est une sorte de symbole de fertilité quand même. Oui, de fertilité, de fécondité, oui, absolument. Je crois que c'est quand même l'essentiel. Et en même temps, pardon, c'est la donc déesse de l'amour, donc les deux notions étant très très proche, bien sûr, par la force des choses. Alors, bien sûr, symbole de fertilité durant l'Égypte ancienne, ces momies ont été aussi utilisées à la fertilisation, et cela, bien sûr, au sens propre du terme. Oui, parce que, en fait, comme beaucoup de momies animales, mais spécialement, elles étaient plus accessibles, celles-ci et d'autres provenant d'autres sites d'Égypte, mais beaucoup celles-ci ont été exportées carrément en Europe au 19e siècle pour, comme engrais pour fertiliser les champs. On a dit particulièrement en Angleterre, mais je crois aussi en France. Enfin, il y a des recherches, peu de recherches ont été faites là-dessus, c'est assez passionnant. Alors, vous le disiez, Alain Zivi, il y a un instant, ce sont des ex-voto vendus probablement par des prêtres. Et comme tout marchand des temples, eh bien, vous avez montré aussi que l'on vendait des contrefaçons, voire des fonds. Ah oui, alors c'est une grande question. Est-ce que c'était, si je puis employer ce terme, de l'arnaque ? Après, ça dépend de la vision qu'on a de la nature humaine. Je ne suis pas sûr. Disons qu'en transformer une momie avait son rôle de momie et d'ex-voto à partir du moment où elle était passée par un certain circuit, qu'à l'intérieur, il y ait un vrai chat ou un morceau de chat, voire d'autres animaux, quelques os réunis, voire une petite statuette de chat ou autre réutilisée. Très, très difficile de savoir s'il y a tromperie sur la marchandise ou pas. Mais c'est très très avéré, bien sûr. Et puis, signalons à l'occasion une autre découverte animale que vous avez publiée dans la grande revue internationale Nature, oui, un lion, un vieux lion. Avec deux membres de la mission, l'archéozoologue Cécile Calou et l'archéologue Anaïk Samzin. On a publié ça dans Nature parce que ça, c'est une découverte très, très importante et assez unique parce que, par une ou deux exceptions enfin très, très partielles, on peut dire que c'est le premier lion ex-momie, enfin c'est plus un squelette mais on sait qu'il était momifié, retrouvé en Égypte alors que les lions jouent et les lionnes jouent un rôle très très important dans la religion égyptienne, dans la figuration royale, etc. Et donc ce lion a été trouvé dans la tombe de Maya mais ne date pas de l'époque de Maya, dont on parlera peut-être, mais date d'une époque justement plus tardive. Malheureusement, on n'a pas, pour diverses raisons, pu encore faire la date au carbone 14. J'espère bien qu'on va y parvenir. Et ce lion est associé à ces chats, à la déesse Bastet, à la déesse Mysis. C'est un animal félin, et les Égyptiens, un félin distingué d'une manière limitée, justement. Enfin, je veux dire, comme nous, on avait bien compris que c'est le même animal, dans un sens. Et on doit y voir un animal exotique ou un animal autochtone à l'Égypte ancienne ? Autochtone, sans doute. Il devait y avoir des élevages de lions. Il y avait des lions, peut-être un petit cimetière de lions, non pas avec des milliers d'exemplaires cette fois-ci, mais à Saqqara, Memphis. Il y en avait aussi ailleurs, dans la ville dite, appelée par les Grecs justement Léontopolis, la ville du lion. Des lions indigènes, si je puis dire, à l'état sauvage, il n'y en avait certainement plus beaucoup aux époques historiques. Alain Zivi, le travail de l'archéologue est systématique, il est aussi difficile, parfois dangereux. J'ai souvenir que dans les réduits obscurs que vous fouillez, vous aviez des milliers de puces et des puces bien vivantes cette fois-ci. Ah oui, il y avait des puces. Ça dépend des tombes, ça dépend des zones, mais ça dépend aussi des victimes qu'elles se choisissent. Je dois dire qu'elles se portaient plus sur les collaboratrices que des collaborateurs de la mission, souvent. Je ne sais pas si c'est... Il faudrait faire une observation très systématique pour savoir si c'est simplement une... si ça a une raison ou si c'est une impression. Mais je me souviens de beaucoup de plaintes. Je n'y pouvais rien. Et c'est vrai que ça gênait beaucoup la vie quotidienne, et pendant la fouille, mais aussi après la fouille. Oui. Et pourquoi ces puces ? Tout simplement parce qu'il y avait les momies. Oui. En rapport certainement avec les momies de chat, oui. Alors, c'est certainement... Oui. Les momies et les tissus, surtout, les bandelettes, etc. C'est un endroit où il y a encore beaucoup de matière. Alors, de fait, ce qui est très intéressant, c'est que les momies de chats sont tardives, vous le disiez, et elles masquent, elles obstruent totalement d'autres vestiges plus anciens. Oui, en fait, il y avait un sanctuaire de Bastet qui était très, très important dans cette zone, déjà aux époques beaucoup plus anciennes. Et il y avait autour de ce sanctuaire, dans cette falaise, des tombes rupestres, ce qu'on appelle aussi des hypogées. Un hypogée, mot masculin, donc pour quelque chose qui est un monument souterrain, une tombe très typiquement égyptienne, qui ont été, comme il y a les fameuses tombes de la vallée des rois, mais aussi des tombes des nobles à Thèbes. Donc il y avait le même genre de tombe dans beaucoup de sites d'Égypte, et entre autres à Memphis, entre autres donc à Saqqara, et particulièrement dans notre site, des tombes de la 18e, 19e dynastie, de nobles, c'est-à-dire de très hauts personnages de l'État, attachés à la ville de Memphis, aux palais royaux et aux administrations centrales. Des tombes qui étaient quand même extrêmement dégradées. Alors, des tombes qui étaient d'une part dégradées, mais pas trop les nôtres. Même, disons, elles sont fragiles, mais elles sont souvent dans un état, les peintures, les reliefs de conservation absolument remarquables. Mais des tombes qui ont été surtout aussi beaucoup, et c'est notre, au fond, c'est plutôt un... Ça a été un atout, qui ont été méconnus, ignorés, d'une part parce que les chats faisaient écran, en quelque sorte, les chats plus tardifs, et puis parce que, dans la recherche, vous le savez bien, Vincent Charpentier, on va chercher et trouver ce qu'on connaît déjà un peu, et donc il y avait un refus, encore parfois maintenant, de considérer que là, à Saqqara, à Memphis, et puis derrière ces chats un peu avec leurs puces, il y a en fait des tombes et des monuments absolument essentiels pour notre compréhension du Nouvel Empire et de l'époque amarnienne, l'époque d'Akhenaton. Et des trésors, bien sûr. Trésors. Alain Zivi, je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes égyptologue, directeur de recherche au CNRS, que vous avez bien sûr, que nous évoquons bien sûr vos découvertes dans le cadre de la mission archéologique française du Boubastéion à Saqqara. Cette nécropole est investie par des notables, notamment un échanson, un chancelier, un ambassadeur, un scribe du trésor, un directeur du grenier, donc que du beau monde. Que du beau monde, que du beau linge. Ça est très proche. Plusieurs échansons, très très proches, et peut-être plus encore qu'on croit, et ou qu'on croyait, puisque avec Maya, on en parlera peut-être, on arrive même dans la famille royale de la 18e dynastie, et peut-être aussi même, on verra, dans la 19e dynastie. Alors justement, cette 18e, 19e dynastie, on est dans la deuxième moitié du deuxième millénaire à peu près. Quelles seraient les dates de cette 18e? Disons pour la 18e, là, autour de... On va prendre le 14e siècle avant notre ère, pour tout ce qui est autour d'Amarna, et surtout Toutankhamon, c'est facile à retenir. Par exemple, 1330, 1333 pour Toutankhamon. 18e dynastie, donc ouais. Toutankhamon, ouais. Akhenaton, par exemple. Voilà. Ouais. Et la 19e dynastie, peut-être les Ramsès, encore... les premiers Ramsès Surtout, oui, c'est ça, les premiers, jusqu'à Ramsès II. On a une tombe, la tombe d'un ancien ambassadeur de Ramsès II au pays hittite, connu par les hittites, donc en Anatolie, dans les documents hittites, mais qui n'était pas connu, attesté par... en Égypte, jusqu'à ce qu'on trouve sa tombe, qui est un monument extraordinaire. Et donc, on arrive là plusieurs dizaines d'années après l'époque amarnienne. Voilà. Vous avez aussi un vizir, Aperel, oui. Sa femme, son fils, oui. Et un trésor funéraire, oui, alors... comme on se l'imagine en Égypte. Hein, absolument, c'est bien ça ? Absolument, ça a été une très, avec... très belle histoire, très longue histoire, très complexe. Parce pour atteindre que, la pour chambre, atteindre la chambre funéraire et ce matériel qui a dû être déplacé pour des raisons qui nous appartenaient, disons, qui ne dépendaient pas de nous. Enfin, disons, il y a presque une... non pas une malédiction d'Aperel, mais des petites malédictions. Mais je suis content d'annoncer qu'en principe, le prochain volume, après Maya et toute messe, ça va être la tombe d'Aperel, qui, homme dont le nom en fait était plutôt Abdiel ou Abdouil, le serviteur du dieu El, un nom étranger, un nom pas égyptien, mais Aperel était un égyptien, ainsi que sa famille. Mais ça nous ouvre des horizons tout à fait étonnants, toujours sur cette période, disons, amarnienne et ses prémices, c'est-à-dire la fin du règne d'Amenophis ou Amenhotep III et le règne d'Amenhotep IV qui devient Akhenaton. Donc on peut imaginer des sarcophages, de l'or. On a eu ça, tout ça, on a. Et c'est ça la malédiction, c'est d'avoir découvert tel ensemble extraordinaire dans un état absolument terrible, par un certain nombre d'objets. Les objets d'or sont exposés au musée du Caire. On a des sarcophages extraordinaires, puisque Aperel, son épouse et leur fils aîné, qui était général des chars d'Akhenaton, avaient chacun trois cercueils emboîtés l'un dans l'autre, ce qui est absolument remarquable. Et ces cercueils, avec des incrustations en verre, avec des éléments d'or, sont en cours de restauration. C'est très, très complexe. C'est fait avec nos amis égyptiens, nos collègues du ministère d'État des Antiquités, et ça demande beaucoup de tranquillité, ce qu'on n'a pas toujours actuellement en Égypte, des moyens qu'on n'a pas toujours, mais tout ça on a pu le faire, et je rends hommage ici, j'y tiens beaucoup, au ministère des Affaires étrangères, et plus que jamais, on peut parler vraiment de diplomatie, on parle de diplomatie scientifique, de diplomatie économique, on peut parler de diplomatie archéologique. Le rôle des équipes de fouilles, des équipes françaises à l'étranger, rejoint le rôle qu'elles ont tenu autrefois avec les grands fondateurs en Égypte, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, au 19e siècle. C'est très, très important. Donc, on essaye de faire quelque chose et on va, j'espère, un jour arriver à organiser une exposition, quelque chose sur ce matériel d'Aperel. Autre tombe, celle d'une femme, probablement proche de la famille royale. Oui, absolument. Disons, alors ça a été, pour les auditeurs, peuvent comprendre, je pense, la science, la recherche met beaucoup de temps sur le terrain. Mais après, la compréhension, l'interprétation va mettre encore beaucoup de temps. D'autant plus qu'il faut passer par des sas, par des sortes de moments où, intellectuels, où passer au-delà de quelque chose. On n'arrive pas à croire au départ à ce que... à certaines conclusions auxquelles on arrive. Il ne s'agit pas d'hypothèses, il s'agit de démonstrations. C'est quelque chose de tellement incroyable qu'on a, j'ai eu moi-même beaucoup de mal. Mais Maya, donc c'est cette dame que vous faites allusion, Maya s'est avérée être la, j'ai pu le démontrer, la princesse, la fille aînée d'Akhenaton et Nefertiti, connue à l'époque amarnienne quand le dieu Aton triomphait sous le nom de Meritaton, mais connue aussi dès cette époque sous le nom de Mayati, Maya, on ne sait pas exactement comment prononcer, et s'avère être donc un personnage même de la famille royale qui a joué un rôle essentiel au moment où tout bascule et où tout à coup, pas tout à coup, mais disons très vite, Akhenaton, Nefertiti, cette famille, ça devient de l'ancien régime, et de l'ancien régime dont il ne faut pas trop parler. Et pourtant, certains sont encore là, et Toutankhamon sort de ce milieu-là, il sort de ce monde, de cette famille. Comment parler des choses sans en parler? Les Égyptiens sont très forts, étaient très forts pour le faire, d'ailleurs. Dans beaucoup de cultures, on le fait, donc on joue sur les noms, etc. Un certain nombre de, je sais, de collègues ont du mal à comprendre ça. Il s'appelait Meritaton, être Meritaton alors que tout ça a basculé et alors qu'elle a quand même transmis, non pas biologiquement, ça on n'en sait rien, mais en tout cas symboliquement, sous forme de mère nourricière, la monarchie. Elle a même été sur le trône. D'ailleurs, elle est représentée sur le trône, tenant Toutankhamon sur ses genoux. Tout ça était très, très délicat. Et là, on a eu des diplomates égyptiens, enfin des politiques plutôt, qui ont su très, très bien dire ce qu'il fallait sans le dire. Donc, si je comprends bien, Maya serait une sorte de mère nourricière, oui, du petit, oui, Toutankhamon. Oui. Elle appartiendrait très probablement, oui, à la famille royale. Elle pourrait elle être a été proche. Une régente. Elle a été la régente. Et elle aurait même été princesse, oui, et régente. Oui, elle a été la régente parce que elle est, c'est certainement la même que celle qu'on connaît sous d'autres noms, d'autres cartouches. Et c'est toute la question aussi d'interprétation de, au pied de la lettre et des mots. Et moi-même, enfin, comme je le disais, ça prend du temps. J'ai appelé Maya par réflexe parce qu'elle s'appelle Menat Nessou en égyptien, c'est-à-dire, on traduit ça habituellement, par nourrice du roi. Et puis, peu à peu, j'ai réalisé, et puis j'ai vu aussi combien nourrice en associé des mots, des notions totalement différentes. C'est pas une nounou, et en fait c'est vraiment une mère nourricière, et c'est là un titre qui lui allait très bien pour dire ce qu'elle n'est, pour ne pas dire certaines choses, mais elle a été aussi la grande du harem, qui montre combien c'était le personnage le plus important du harem, non pas du harem au sens un petit peu fantasmatique ou disons des orientalistes, mais du harem, c'est-à-dire de cette partie du palais très très importante où sont les femmes, où sont les princes, les princesses, etc. Donc, je n'appelle plus nourrice du roi parce que le mot est trop connoté, trop réducteur. Après les chats, on m'avait collé donc les matous. Ensuite, on m'a parlé de la nounou. Non, c'est la mère nourricière. C'est le titre qu'elle a, un des deux titres. Et en fait, elle est une princesse. Mais à ce moment-là, ça n'a plus d'importance. Et elle est comme la mère du roi. En tout cas, qu'elle est la mère du roi. En tout cas, sur les parois de sa tombe, oui, elle est particulièrement belle, à demi nue, coiffée d'une épaisse perruque. Maya est donc à la fois une sorte de mère et érotisée. Oui, parce que les deux, compte tenu des réalités biologiques humaines, là, c'est à une époque très récente qu'on arrive à dissocier maternité et. On arrive à le dissocier, je veux dire, complètement, maternité, et érotisme, etc. Et c'est d'ailleurs, c'est amusant, j'aime bien répéter que je crois que la pilule anticonceptionnelle a été, son découvreur, c'est un savant qui s'appelait, enfin un médecin, qui s'appelait biologiste Pinkas ou Pincus, je crois. Et je ne sais pas s'il le savait lui-même, mais ce nom, en passant par le Pinchas, est en fait un nom égyptien qui signifie Pahanesi, c'est le Nubien, le Soudanais. Donc, bon, ça nous ramène à l'Égypte. Et à cette époque, en effet, on voit dans cette tombe à la fois la maternité triomphante et aussi. Je ne dirais pas d'érotisme, mais une sensualité tout aussi triomphante. Sensualité, visiblement, dans la perruque pour les Égyptiens. La perruque, hein, c'est ça, très mais important, aussi, il y a une représentation, non pas de nu, qui est d'ailleurs qu'on trouve à Amarna, mais enfin de transparent, presque de nu, justement. Passons d'une tombe à l'autre. Vous êtes aussi intéressé, Anasivi, à un hypogée bien plus modeste que les autres. Ici, ni reine régente, ni vizir, ni échanson. Oui, Un peintre, un artiste, un artisan, dirait certains. Alors là aussi, on vient avec nos préjugés. Cette tombe, on a trouvé les deux tombes le même jour en même temps, un jour de novembre 1996. Et ces deux tombes sont liées, comme je pense l'avoir montré aussi dans la publication du livre de Toulmès. En fait, Maya est venue se lover, si je puis dire, juste à côté de cette tombe de ce peintre, de cet artiste, parce que c'est plus qu'un peintre, c'est un très très grand artiste, un maître de l'art. Mais pas seulement en Égypte, mais c'est un peintre officiel. C'est devenu aussi un peintre officiel, mais je crois que c'est vraiment un très grand maître qui a été. On parlait d'un Michel-Ange inconnu. J'ai une collègue américaine qui parlait du Michel-Ange inconnu d'Égypte qui avait fait certaines des plus belles tombes de Thèbes. On a pu montrer que c'est certainement lui, on lui a donné un nom, qui s'appelle Toutmès, mais qui était aussi un graveur, il n'est pas simplement un spécialiste de la peinture. Sa palette est même représentée dans sa tombe, oui. Une sorte de marque, d'une signature. Il y a quelque chose de magnifique dans sa tombe, c'est son autoportrait en famille et à la palette, si je puis dire. Mais cette palette est une métaphore, c'est pas une palette réelle, elle est tellement énorme et elle est tellement inhabituelle, et elle remplace le petit sceptre, le grand sceptre de qui montre l'autorité des très hauts dignitaires qu'il a peint et qu'il a dépeint au long de sa vie. Mais lui, sa force, son pouvoir, c'est l'art, c'est la palette. C'est une idée, c'est d'une modernité extraordinaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une sorte de figuration de double cercueil où les représentations sont vues de face. Oui. C'est bien ça ? D'abord, il a peint et gravé sa tombe, ou une grande partie, et il montre à un moment un double cercueil pour sa femme et lui. Et donc, il y a une recherche sur les deux et trois dimensions, comment représenter, comment tordre le cou d'une certaine réalité, d'une certaine tradition. C'est un artiste en recherche qui, en quelque sorte, s'exprime dans une grande liberté dans sa propre tombe. C'est qu'il y a une sorte de frontalisation, de bouleversement des modes de représentation habituels. Oui, oui. On n'est plus dans le profil, quoi. Non, et on est dans des recherches, et on est évidemment au moment où a déjà commencé la période dite amarnienne, Akhenaton, Nefertiti, et ce qu'on appelle l'art nouveau, ce qui est de l'art nouveau, leur art nouveau à eux. Alors justement, cette période amarnienne est un véritable bouleversement religieux, mais aussi artistique, et le tout donc sur une période relativement courte, très, très courte. Qui couvre le règne d'Akhenaton, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Un peu avant. Nous en dire plus, parce que ça commence un peu avant. Très important du Moyen Empire. Mais c'est un moment. Je pense que le bouleversement artistique est encore plus important, ou en tout cas aussi important que le bouleversement religieux. Et il va avoir des suites d'ailleurs bien après, encore sous Toutankhamon et même sous les Ramsès. Mais il y a une recherche, comment représenter le réel autrement, puisque en fait, comment approcher les dieux autrement, tout est une question d'approche différente. Et justement, la recherche de comment représenter en deux dimensions, les trois dimensions. Il y a des reliefs dans les parois, des jeux sur les statues, etc., qui sont absolument remarquables. Et ça nous amène d'ailleurs à la fameuse statue buste de Nefertiti, découverte il y a un siècle, et qui est à Berlin maintenant. Justement, je reviendrai sur cette période amarnienne. Ouais. Donc, après Akhenaton, on reviendrait au canon ancien ? Un peu, mais il reste quelque chose. Mais on essaye de revenir. C'est une période après, et il y a une sorte de période de réaction. C'est évident que, et sous les Ramsès, et on recherchera même, plutôt on se référera même carrément parfois beaucoup plus tard à l'Ancien Empire. Bien sûr, il y a cette volonté, mais on n'oublie plus les canons nouveaux. Ils ont marqué à tout jamais. Des Toutmès, il y en a bien sûr plusieurs en Égypte. Notre peintre, dont vous avez bien sûr fouillé la tombe à Saqqara. Il y a aussi le sculpteur d'Akhetaton, dont les œuvres ont été fouillées par une mission allemande, je crois, en 1912. La mission de Ludwig Borchardt avec la Société orientale de Prusse. Et ce Toutmès est absolument, un très très grand maître, à la fois sculpteur, modeleur, et jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'est le même Toutmès, et que ce buste de Nefertiti en particulier n'est pas une sculpture, ou pas seulement une sculpture, mais c'est une œuvre peinte. Et c'est le même Toutmès qui a été à Amarna et qui a continué son œuvre Alain Zivi, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous venez de publier deux ouvrages aux éditions Caracara. Mardi prochain à 15h30, nous évoquerons encore et l'archéologique mer à l'occasion de l'ouverture d'une grande exposition au musée Guimet. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Emmanuel Norse d'Incan, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr, où retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.